Chapitre 11e, la sortie. Le lendemain, un détachement de cavaliers armés de toutes pièces sortait en silence de la ville par la porte d'Aix. Il était commandé par Vincenzio Thibaut, et Guillaume du Puget marchait à leur tête. Arrivés au haut d'une montée, les cavaliers s'arrêtèrent. Une éminence de terrain leur avait caché jusqu'alors les assiégeants, qui, protégés par leurs gabions, travaillaient aux mines. D'un regard, ils consultèrent leur chef, et sur un geste de sa part, ils mirent leurs chevaux au galop et fondirent à l'instant sur les travailleurs. Les Marseillais croyaient les surprendre. Quel ne fut donc pas leur étonnement en rencontrant sur leur pas une compagnie d'Espagnols qui veillait non loin des travaux. Surpris à leur tour et se voyant enveloppés, ils déchargèrent leurs arquebuses presque à bout portant. Bon nombre d'ennemis mordirent la poussière. Profitant du désordre qui suivit les premiers coups de feu, les soldats français parvinrent à s'emparer d'une position avantageuse. Un combat régulier s'engagea. Bien des chevaux s'abattirent sous les balles meurtrières. Bien des corps criblés roulèrent inanimés sur le sol. On avait épuisé les munitions, mais les guerriers n'étaient point lassés. Leur haine réciproque, loin d'être assouvie, s'augmentait encore de la rage qu'inspire et la vue du sang et l'odeur de la poudre. Les coursiers frémissaient de colère d'être arrêtés par le mort. Sous leurs pieds fougueux jaillissaient des milliers d'étincelles. Bientôt les rangs furent rompus, les Français s'armèrent de leurs épées, les Espagnols de leurs dagues. Le combat devint acharné, terrible. Exalté par la lourde atmosphère qui régnait autour des cadavres, Guillaume commençait à oublier sa prudence ordinaire, et sans son adresse qui le servait en dépit de son ardeur, il eût infailliblement succombé. N'écoutant que sa bravoure, il se laisse emporter par son coursier. Bientôt éloigné des siens, il se voit pressé de tous côtés. Il est en même temps attaqué par 10 guerriers dont l'arme effilée menaçait à la fois sa loyale poitrine. Le chevalier fait une demi-volte pour pouvoir opposer son bouclier au fer ennemi. Tout à coup, il aperçoit Vincenzio, qui, accablé par le nombre, épuisé et couvert de sang, faisait pour rejoindre les siens des efforts inouïs mais inutiles. Le gentilhomme oublie à l'instant son propre danger. Il s'élance à travers les guerriers dont il est entouré, qui, étonnés, ne songent point à le poursuivre et vaut le secours de son ami. Il arrive au moment où le vaillant Romain, défaillant, éperdu, sentait ses forces trahir son courage. À la vue du redoutable champion qui vient au secours du chef, les Espagnols se replient, abandonnent leur proie et laissent quelques secondes les deux amis comme isolés. Un regard d'inexprimable reconnaissance et d'ardente amitié brilla dans l'œil de Vincenzio. « 2 fois je vous dois la vie », semblait-il lui dire. Les deux jeunes hommes s'étreignirent rapidement la main en silence. Un sourire de bonheur passa sur leurs lèvres brûlantes. Hélas, ils ne devaient plus se revoir. Ce sourire était leur muet et dernier adieu. Ce court instant de répit avait renouvelé les forces de Thibaut. Il retourne à son poste au milieu de ses soldats. Cependant, Roderick, commandant du détachement espagnol, irrité des prouesses du chevalier, brûle de mesurer son arme à la sienne. Il pique droit vers Guillaume et semble le provoquer en combat singulier. Également jeune, vaillant tous deux, ils s'attaquent avec des chances pareilles. Tous les mouvements de l'Espagnol sont d'une incroyable rapidité. Tourbillonnant autour de son adversaire, tour à tour il s'avance ou fait volte-face. Le gentilhomme français, plus calme que son ennemi, l'observe attentivement. Il évite 20 fois ses coups, et pendant que celui-ci, prêt à frapper encore, s'élance sur lui, Guillaume le prévient et lui plonge son épée dans le cœur. Roderick chancelle, ses yeux se ferment, il tombe, son cheval hennit. Le marquis de Pesquer envoie alors un corps de troupes qu'il tenait en réserve au secours des siens. À la vue des guerriers qui s'avancent au pas de charge, Guillaume est étonné que Vincenzio s'obstine à combattre. Il le cherchait du regard quand un Français s'avance vers lui. « Mais sire, dit-il, le chef est tombé. Mais il n'est point mort, demande avec anxiété le chevalier pâlissant. « Hélas oui, messire, mort en héros, répond tristement le cavalier. Et son corps ? Dans la mêlée, monseigneur. » Guillaume, plongé dans une désolation profonde, ne s'arrache à sa douleur que pour faire donner le signal de la retraite afin de conserver à Marseille ses intrépides soldats. Quelques heures plus tard, Ranzo de Cérès, d'après les désirs de Dupuget, faisait demander au connétable le cadavre de Thibaut pour qu'il lui fût rendu les honneurs de la sépulture. Guillaume ne voulut se reposer sur personne du soin de retrouver la dépouille de son ami. Le soir de ce même jour, il sort accompagné de quelques soldats. Il arrive morne et découragé sur le champ de bataille. et cherche parmi les cadavres celui de Vincenzio. Le jeune Romain, couché sur le dos, tenait encore dans sa main roidie par la mort le tronçon de sa vaillante épée. Une large blessure, un peu au-dessous du sein gauche, montrait la place par où son âme s'était ouverte un chemin sanglant. En vain, l'inconsolable Guillaume met la main sur ce cœur qui ne palpite plus pour y chercher un reste de vie. Alors les soldats, croisant leurs armes, en font un brancard, où est placé le corps du guerrier, et dans un silence lugubre, la petite escorte reprend le chemin de la ville.